moitié de table à cartes. Tout ce bric-à-brac qu'on achète ou l'embarque. Une poche trouée, une assiette fêlée, une tasse percée, un miroir cassé, un animal domestique, tout infesté de tiques. Ah, comme c'est excellent, allez vite, on le prend. Un bois empaillé, un poisson qui ne sait pas nager, un perroquet souris muet, un chien têtu comme un mulet. Jeudi au lundi, nous partons en expédition. Il n'est pas né celui qui nous fera manquer notre chasse aux cochonneries. Concitoyens et concitoyennes, bienvenue à notre grand marché aux puces. Veuillez prendre note que nous acceptons l'argent, les cartes de crédit, les cartes de guichet ainsi que les dons d'organes. Nous avons ici un magnifique vélo sans roues. Ici de cette magnifique automobile sans moteur. Approchez, approchez, j'ai pour vous une magnifique tondeuse sans lame. Ici, nous avons un lot spécial, un spécial de faillite, une caisse de chandelles sans mèche. Par ici, s'il vous plaît, de magnifiques chiots sans nez. Un piano sans notes. Et ici, une guitare pas de manche. Une valise sans poignée.